Le fantôme encombrant. Un jeune mari perdit sa femme dans la fleur de l'âge. Celle-ci avait été belle, mais un peu acariâtre et affreusement jalouse. Après un deuil de bon aloi qui dura 6 mois, le jeune homme sentit, avec le printemps, naître des émotions nouvelles. Il chercha femme et bientôt se fiança à la délicieuse Yo-Yo-Hi, dont le nom chantait comme un gazouillis de mésange, comme le froissement de la soie sur un éventail. Bref, le jeune veuf était amoureux, et il était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été avec sa précédente épouse. C'est alors que le fantôme de sa femme se manifesta pour la première fois. Une nuit, alors qu'il dormait paisiblement sur son tatami, il sentit un courant d'air froid lui chatouiller la plante des pieds. Il s'éveilla. Kiryoka était devant lui. La belle, quoique évanescente, semblait furieuse et n'avait rien perdu de son humeur jalouse. « Comment oses-tu, dit-elle, me tromper avec une petite sotte sans beauté qui, ajouta-t-elle avec perfidie, porte une tache de naissance fort disgracieuse sur le sein gauche. « Comment sais-tu cela ? » interrogea le pauvre mari stupéfait. « Au royaume des morts, nous avons accès au mystère et nous connaissons toutes choses cachées à vos yeux de mortels. » La belle s'en fut. Le mari, encore tremblant de frayeur, ne dormit plus cette nuit-là. À partir de cet instant, l'existence d'Aiyoshi devint un enfer. Le jour, il se promenait avec la tendre Yo-Yo-Hi dans les jardins de son père. Il s'attardait auprès du grand bassin, admirait la grâce épanouie des fleurs de lotus. Aiyoshi ne se lassait pas, tout en devisant tendrement et en échangeant avec elle de timides sourires, de contempler la nuque parfaite de sa fiancée. Son chignon noir de jais, ses joues qui avaient le velouté de la fleur de prunier. La nuit, le fantôme de Kiryoka venait le tourmenter. Assise au pied de sa natte, son épouse décédée tournait en dérision tous ses faits et gestes de la journée. Elle imitait en ricanant leurs tendres propos. Elle lui rappelait leurs anciennes amours et lui répétait « Je sais tout de toi et ce savoir t'enchaîne. Ta vie est à moi seule, à moi !» Le malheureux, à bout de force, près de perdre la raison, se confia à un ami qui lui conseilla d'aller consulter un célèbre maître du zen vivant en ermite dans l'ancien temple de Kenninji. Le voyage fut long et difficile. Enfin, Aiyoshi parvint au pied du maître et lui conta son infortune.